Note pour la réponse à l'abica. Concernant le rapport que j'établis entre le manifeste et le capital. Donc pour moi, le problème est le suivant. Et on peut poser la question. Pourquoi, à la fin du capital, y a-t-il en note, ou dans le corps du texte selon l'édition, peu importe, une citation du manifeste, dans le chapitre que Rubel lui place à la fin et qui est l'avant-dernier chapitre dans l'édition allemande, dans l'édition française, qui est la tendance de l'accumulation du capital. Alors, comment formuler ce problème? La question est la suivante, qu'est-ce que ça fait là? C'est-à-dire, on a le sentiment que cette citation du manifeste qui date de 47, reprise 20 ans plus tard, en 67, l'édition du Capital, semble au fond annuler, d'un point de vue des perspectives pratiques, tout l'effort théorique de Marx, y compris les organisations, le travail pratique d'organisation ouvrière, y compris la fondation de l'Internationale en 64. Et l'effort théorique également en termes de recherche économique, historique, sociologique. Ce sentiment, ou le point de vue que j'ai, prend sa source dans cette conception, je dirais fondamentale, que j'ai de la théorie marxiste, qui ne peut pas se concevoir autrement que comme une totalité organisatrice et structurante de différents aspects du savoir, mais qui ne sont pas indépendants les uns des autres. Je pense que là-dessus, je suis assez d'accord avec Ben Saïd dans son Marx intempestif, qui consacre un chapitre à cette conception novatrice de la science de Marx. Justement, comme totalité. Il n'y a pas d'un côté l'économie, d'un autre la politique, d'un autre l'histoire, d'un autre la sociologie. Il y a la volonté chez Marx d'avoir un savoir total et global, mais non pas savoir pour savoir, mais en tant que le pôle dominant où l'instance dominante, structurante de cette totalité du savoir est la transformation du monde. Non pas transformation du monde sans but fixé, mais transformation du monde vers le communisme. Et toute la théorie. Toute la théorie organise comme totalité l'ensemble des savoirs comme savoir fournissant les instruments théorico-pratiques pour cette transformation vers le communisme. Alors, bien évidemment, cela ne signifie pas que ces savoirs, ces sciences particulières ne sont pas objectives et relèveraient d'une idéologie orientée vers un but extra-théorique, qui serait le communisme. Non, non, pas du tout, bien au contraire. Ce but qui oriente et détermine l'ensemble des savoirs est intra-théorique et n'existe pas indépendamment de la constitution de ces différents savoirs. En quelque sorte, si le communisme est l'énigme résolue de l'histoire, le communisme demeure le problème théorique de Marx. Et toute la théorie constitue ce problème comme problème théorique et se constitue pour y répondre. Alors, le tout est de savoir cette formation théorique, cette constitution d'une théorie globale et totale, relève de la subjectivité d'un individu, l'individu serait Marx, relève au fond d'une subjectivité partagée, alors là, dont le statut sera déterminé, parce que ça poserait un peu le problème d'un sujet collectif, qui serait celui, disons, du prolétariat, ou bien si la subjectivité, cette théorie serait celle d'une subjectivité qui serait la totalité du monde, du moins du monde occidental capitaliste. Alors, je dirais qu'au fond, ce n'est aucun de ces trois et les trois à la fois. C'est la théorie du monde bourgeois en tant que celui-ci est contradictoire, que la théorie permet de prendre connaissance à son niveau de ses contradictions, c'est-à-dire, comme Althusser, je tiens qu'effectivement que l'être est indépendant du connaître et que l'objet réel ne se confond pas avec l'objet de connaissance. Mais là, on s'égare. Bon, je prends sur un autre biais. Bon, je reprends avec cette totalité du savoir chez Marx. Voilà. Et, au fond, ce qui manque chez Marx, c'est une théorie du pouvoir ou une théorie du politique. À ce titre, on peut constater ce manque chez Marx par comparaison à Lénine. En ce sens, Lénine est bien le grand continuateur de Marx, en tant que celui-ci constitue une théorie du pouvoir, une théorie du politique marxiste. Toutefois, Lénine ne constitue cette théorie du politique, je dirais, d'un point de vue national, totalement spécifique à la Russie. Et par comparaison, on voit bien qu'on ne trouve rien de comparable chez Marx, tant, je dirais, d'un point de vue international, que même d'un point de vue national, que ce soit pour l'Allemagne, l'Angleterre ou n'importe quel autre pays. Or, pour ma part, je considère que ce manque que l'on peut constater chez Marx, certes, certaines, il y a des indications politiques chez Marx. On peut par exemple penser à la critique du programme de Gotha, aux adresses concernant la guerre civile en France, la lutte des classes, des indications dans la correspondance, etc. Mais le Capital n'inclut pas l'élément de la théorie politique. Ce que le manifeste, lui, faisait. Et les seuls éléments de la théorie politique que le Capital reprend sont ceux précisément du manifeste. Or, en tant que la théorie marche ensemble. Pour moi, cela pose problème que la théorisation de la critique de l'économie politique et la constitution au fond d'une partie du marxisme qui correspond à la critique de la politique, de l'économie, n'ait pas été accompagnée d'une révision des éléments de théorie politique et se contente simplement de reprendre ceux du manifeste qui avaient été cruellement démentis par la révolution de 1848 et qui, tels qu'ils sont enregistrés dans le Capital encore, ont été continuellement démentis par l'histoire. Il est tout de même curieux que Marx, dans sa critique de l'économie politique, enregistre des déterminations de la société bourgeoise, telles que le fétichisme de la marchandise, que, enfin, etc. Il faudrait voir lesquelles, etc. C'est facile. Et continue de prôner à la fin que tout ça va se résoudre par le mouvement d'une triade typiquement hegelienne, producteur direct qui a profité de ses moyens de production, capitalisme, séparation du producteur de ses moyens de production, et puis réconciliation. Réconciliation par expropriation des expropriateurs et établissement du communisme. C'est quand même curieux. Alors, cela me donne le sentiment que tout le Capital est donné par Marx pour finalement dire que le manifeste était juste.